Les sirènes chantent la chanson des bateaux perdus. Et les vagues dorées scintillent au couchant. Soleil vermillon, algues et longs cheveux confondus. Ils sortent de l'eau. Diaphane, presque transparent, vers nous médusés, ils avancent, sans ordre, sans arrière-pensée. Ils n'ont rien d'autre que leurs grands yeux amusés. De nous avec leur sourire insensé. Un nouvel âge est né. Un nouvel âge est né. Ils sortent des abysses de nos grandes profondeurs. Ils n'ont pas d'ombre. La lumière les traverse. Il nous faut les rejoindre sans haine et sans peur. Regardez nos vieilles pensées que l'océan disperse.